Il entraîne César vers la salle à manger. Fanny ? César a la prétention d'empêcher notre mariage par tous les moyens, même par des violences illégales. Dis-lui ta façon de penser. Ne réponds pas encore, Fanny. Il te présente mal la chose parce qu'il est de mauvaise foi. Moi, je dis que tu es la fiancée de Marius. Il est parti momentanément, mais enfin, tu l'attends parce que tu sais qu'il reviendra. Voilà la vérité, c'est simple. Alors, est-ce que j'ai raison ? César, je ne peux pas attendre encore 2 ans. Ah, j'en étais sûr, c'est ta mère qui t'a manqué le coup. Mais non, César, ma mère a raison. Vous ne pouvez pas comprendre. Mais si, je comprends très bien qu'à cause des candidats, ta mère va te mettre au lit de Panis, voilà. Mais dis, elle est bien chatouilleuse, ta mère. Hein ? Mais elle a oublié qu'autrefois, on disait qu'elle était la maîtresse de ton père avant qu'il soit arrivé. Oui, voilà. Et qu'est-ce qu'il a pas fait, ça ? Ça les a pas empêchés d'être heureux ? Alors, voyons. Allez, va, Fanny. Dis à Panis qu'on t'a effrayé. Il est assez vieux pour comprendre, il va te rendre ton oui, et puis ta mère, moi, je vais lui expliquer. Mais non, César, il me faut un mari. Et c'est toi qui me dis ça ? Il te faut un mari ? Et tu es prête à épouser le premier singe venu coiffé d'un chapeau melon parce qu'il avait l'argent et qu'il veut t'épouser ? Mais César, je l'attendrai encore 10 ans si je pouvais l'attendre. Mais maintenant, je ne peux plus. Je ne peux plus. Mais c'est pas Lise, veut encore de moi, je suis prête à l'épouser. Mais c'est pas possible, ça, nom de Dieu, voyons. Mais c'est donc ça que tu mijotais depuis si longtemps, hein. C'est donc pour ça que tu as fait partir Marius, car c'est toi qui l'as fait partir, tu me l'as dit. Tu l'as fait partir pour te débarrasser de lui. Oh. Oui. Et maintenant, tu sautes sur l'argent de Panis et ce vieil imbécile est bien content, hein. Allons, tu te parles, tu dis des bêtises. Ah, tu es bien la nièce de ta tante Zoé, hein. Celle-là, elle s'y entendait pour faire danser les vieux panthères, là. César ! Eh bien, je suis bien content que Marius soit parti. Il a bien fait, il a eu raison. Que oui, oui, car tu ne l'aimais pas, Marius, et tu ne le méritais pas. César, je vous en prie, tais-toi, je te dis, tais-toi. Je vais lui écrire à mon fils, et je vais lui dire la vérité. Et s'il lui restait encore un petit regret, je te jure qu'il en aura plus. Hein. Est-ce que tu as fini de m'appeler, juste la petite ? Est-ce que tu vas me fermer ta gueule ? Cette fois, c'est Panis qui le prend à la gorge. César ! Dites-lui tout, Panis, dites-lui tout. Ouais. S'il n'a pas encore compris, c'est qu'il est aussi bête que méchant. Qu'est-ce qu'il y a ? Hein ? Eh, dites-le lui, Panis. Dites-le lui. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Ben, il y a... que la petite Fanny se trouve dans une position qui n'est guère intéressante pour une jeune fille. Alors. Et qu'il faut bien qu'il se trouve un brave homme pour réparer le crime de ton galapia de navigateur. Fanny, tu portes un enfant et tu voudrais me le prendre, toi ? Comment te le prendre ? Mais il est à moi. C'est le petit de mon petit. Et vous voulez me le voler, mon petit-fils ? Mais vous êtes fou, hein? Fanny, lui. Fanny, est-ce que tu y penses? Je pense à ma mère et à ma famille. Mais je me fous de ta mère et de la famille. Ta famille, c'est Marius et ton petit. Et moi! Quant à ce monsieur, il n'en est pas. Alors, qu'il se taise. T'as compris, hein? Allez, viens, Fanny. Viens à la maison, viens. Non, non, César, non. N'ayez pas pensé à tout. Mais Marius ne peut pas revenir avant 2 ans. Et si j'ai un enfant, sans avoir de mari, ma mère mourra de honte. Mais non, mais non, on meurt pas comme ça. Dans 3 mois, quand elle passera sur le port, on ne se gênera pas pour dire « Tiens, la petite Fanny, elle a attrapé le ballon !» Ou bien, ça doit être un moustique qui l'a piqué. Ma mère, à la poissonnerie, vous pensez ce que les autres lui diront? Mais puisqu'on saura que c'était l'enfant de Marius! Mais justement! Tout le monde sait très bien que Marius est un honnête garçon. Et quand on saura qu'il m'a quitté après une chose pareille, on pensera qu'il y a une vilaine raison. Pourquoi ? Mais on dira, s'il a quitté, c'est qu'il a vu qu'il n'était pas arrivé le premier. Ou alors qu'il n'était pas sûr que l'enfant soit de lui. Et on dira aussi, comme toi tout à l'heure, d'ailleurs, c'est l'habitude dans la famille. Il y a déjà eu sa tante Zoé qui n'a jamais eu le temps de remettre ses pantalons. Voilà le calvaire que tu prétends imposer à ces deux femmes. Mais s'il l'épousait jamais, je comprendrais. Et puis enfin, moi je suis là, pour les défendre, pour prendre garde d'eux. Et puis quoi ? Et elle aura un mari dans 2 ans. Oui, elle l'aura. Elle l'aura ou ne l'aura pas. Admettons que ton fils revienne dans 2 ans. Es-tu sûr qu'il voudra épouser la petite? Oui. Depuis qu'il est parti, il a écrit 2 fois. Et pas à moi, à vous. Ah ben ça, c'est naturel. Seulement dans toutes ses lettres, il parlait de toi. Comme d'une étrangère. Et dans la lettre que tu viens de recevoir, est-ce qu'il te parle de la petite? Non, il t'en parle pas. Mais qu'est-ce que tu en sais, toi, si t'en parlais, tu l'aurais déjà dit. Est-ce qu'il te parle de son retour? Non, il t'en parle pas. Allons, César. Il s'agit de la vie et de l'honneur de Fanny. Sois de bonne foi. Dis la vérité. La vérité que cette fois, il n'en parle pas beaucoup. Enfin, il lui envoie le bonjour. C'est vraiment gentil de sa part. Mais quand il saura qu'il a un enfant, il épousera la mère. Autrement, moi, je lui casse la gueule. Mais ça n'arrangerait rien, ça. Et puis nous parlons là comme s'il revenait sûrement dans 2 ans. Et s'il ne revient pas? Comment? Tu oses penser des choses pareilles, toi, dis? Ben, et toi, tu oses ne pas y penser? Est-ce que c'est toi, par hasard, qui fabrique les tempêtes, les typhons, les tornades et les cyclones? Est-ce que c'est toi qui les lance sur la mer quand ça te fait plaisir? Et si son bateau sombrait? Voyons, César, peux-tu nous jurer que tu es sûr que ton fils reviendra et qu'il épousera la petite? Écoute, on aurait... Il y a 8 chances sur 10 pour que ce mariage se fasse. Ou enfin, écoute, il y a 7 chances sur 10. Mettons 6 ou même 5. C'est encore beaucoup pour que la vie de cet enfant soit gâchée. Maintenant, personne ne le sait. Et n'importe qui peut épouser Fanny et donner son nom au petit sans être ridicule. Mais quand il sera né, qu'est-ce que ce sera? Un petit bastardon et rien de plus. Oh, c'est vrai, ça. Et plus tard, à l'école, ses petits camarades lui diront. Moi, mon père, il est boulanger, menuisier. Et le tien, qu'est-ce qu'il est? Pauvre petit deviendra tout rouge et il dira, moi j'en ai pas. Oh mon Dieu, mon Dieu. Oh, allez César, moi j'ai pensé longuement à toutes ces choses. Oh, j'ai pensé à ma mère, à ma famille, à l'enfant. Ben, je vous assure beaucoup mieux que je devienne Madame Panis. Comme ça tout le monde sera content et même Marius. Mais non, non, mais non. Et d'abord, si j'épousais la petite, cet enfant aurait un père et un nom. Il s'appellerait Panis. Oh, mon Dieu, mon Dieu. En tout cas, si par hasard, il s'appelait Panis, il s'appellerait Marius Panis. Hein? Oui. Marius César Panis. César Marius Panis. Oh, mais ça, si tu veux, puisque tu serais le parrain. Ah, ah, c'est promis. Ah, bon, oui, naturellement. Comme ça, tu t'occuperais de lui tant que tu voudrais et tu ne le perdrais pas. Et de plus, il serait riche. Écoute, César, il y a une chose que personne ne sait parce que j'en ai un peu honte. D'habitude, au café, quand on parle de la fortune des uns et des autres, moi, je dis toujours que j'ai 600 000 francs. Eh bien, c'est pas vrai, César. J'en ai plus du double. Mais tu es millionnaire. Et plus la valeur du magasin, ce qui fait 1,5 million. Fanny elle-même ne le savait pas. Maintenant, je le dis parce que c'est utile à la conversation. Mais tu laisserais tout ça au petit, hein? Mais naturellement, puisque c'est mon fils. Oui. Mais alors, si moi, je lui laisse mon bar, il aura près de 2 millions. Mmh. Dis, Fanny, à 20 ans, ce garçon, il va fumer des cigares comme le bras.